Alexandre Dumas, le fils du forçat, lu par Juliette pour audiocité.net. Chapitre 1er. Où nous apprenons ce que c'est qu'un cabanon à ceux de nos lecteurs qui l'ignorent. En ce temps-là, Marseille avait une banlieue pittoresque et romantique, et point comme aujourd'hui, une banlieue verdoyante et fleurie. Du haut de la montagne de Notre-Dame-de-la-Garde, il était aussi facile de compter les maisons égrenées dans la plaine et sur les collines qu'il l'était de nombrer les navires et les tartanes qui diapraient de leurs voiles blanches et rouges l'immense nappe bleue qui s'étend jusqu'à l'horizon. Nulle de ces maisons, à l'exception peut-être de celle qui avait été bâtie aux rives de l'Uvonne, sur les ruines de ce château de Belle-Ombre qu'habitait la petite fille de Madame de Sévigné, nulle de celles-là n'avait à s'enorgueillir encore de ces majestueux platanes, de ces charmants bosquets de lauriers, de tamaris, de fusains, d'arbres exotiques et indigènes qui dérobent à présent sous les masses de leurs feuillages pleins d'ombre les toits des innombrables villas marseillaises. C'est que la Durance n'avait point encore passé par là, couru dans ses vallons, escaladé ses collines, fertilisé ses rochers. Alors, tout Marseillais qui tenait à raviver ses fleurs, lorsque leurs feuilles flétries par l'action torride d'un soleil d'août se penchaient vers la terre, devait, comme à bord d'un navire en pleine traversée, comme M. de Jussieu le fit pour son cèdre, prendre sur la part réservée à son estomac pour donner l'aumône de quelques gouttes d'eau à la pauvre plante. En ce temps-là, déjà si loin de nous, grâce à la combinaison toute puissante d'eau et de soleil qui a si rapidement métamorphosé la végétation de ce pays, que l'on ne se souvient plus à Marseille même qu'il fut un temps où quelques pins, quelques oliviers craquant au soleil rompaient seuls la monotonie du paysage dénudé. En ce temps-là, disons-nous, le village de Montredon offrait le plus complet spécimen de l'aridité qui caractérisait jadis les environs de la vieille cité des Phocéens. Montredon vient après cette trinité de villages que l'on appelle Saint-Gignier, Bonneveine et Mazargues. Il est situé à la base de ce triangle qui, s'avançant dans la mer et protégeant la rade du vent d'est, se nomme le Cap Croisette. Il est bâti, au pied de ces immenses masses d'un calcaire gris et azuré, sur les pentes desquelles poussent avec peine quelques buissons rabougris, dont le soleil et la poussière blanchissent encore les feuilles grisâtres. Rien de plus morne, de plus triste, que la perspective de ces masses grandioses. Il semblerait que jamais les hommes n'eussent pu raisonnablement songer à planter leurs tentes sur les assises désolées de ces remparts de pierre, que Dieu n'avait placés là que pour garantir la côte des envahissements de la mer. Et cependant, bien avant 1787, Montredon avait, outre ses chaumières, de nombreuses maisons de campagne, dont l'une est célèbre, sinon par elle-même, du moins par la renommée de ceux qui l'ont habitée. Le parc magnifique que messieurs Pastrée ont entouré de murs renferme dans son enceinte une modeste villa qui a servi d'asile à la famille Bonaparte lors du long séjour qu'elle fit à Marseille pendant la Révolution. Les rois et les reines de la moitié de l'Europe ont piétiné le sable de ces allées, et l'hospitalité qu'ils leur donnaient a singulièrement porté bonheur à M. Clary. Ses enfants ont été emportés dans le tourbillon qui poussait ses hôtes vers les trônes, et ils ont pris place sur les premiers degrés. Peu s'en fallut même que la plus jeune des demoiselles Clary ne fût appelée à partager la destinée du futur maître du monde. Il fut question d'un mariage entre elle et le jeune commandant d'artillerie. Mais, comme le dit plus tard le notaire de Madame de Beauharnais en semblables circonstances, on ne pouvait épouser un homme qui n'avait que la cape et l'épée. Disons-le bien vite, ce n'est point de ces demi-dieux d'hier que nous avons à vous entretenir, cher lecteur. Nous n'avons pas su résister à un mouvement d'orgueil patriotique. Nous avons éprouvé le besoin de vous apprendre qu'après tout, Montredon n'est pas aussi humble qu'il en a l'air, qu'il a, comme toute autre ville, ses droits à une célébrité dont il est juste que chacun de ses enfants se fasse gloire. Et ceci concédé, nous nous hâterons de vous avertir consciencieusement que nous n'avons fait là qu'une digression, que nos futurs personnages sont tout petits, tout modestes, que notre drame naît, vit et se dénoue sur un grain de sable. Et que si nos acteurs ont fait du bruit dans ce monde, ce bruit s'est arrêté bien certainement à la vieille chapelle d'un côté et de l'autre à la Madrague, la colonne d'Hercule de Montredon. Paolo Minoras Canamus. Quittons donc bien vite la Villa Clary, et en suivant le bord de la mer, gagnons ce petit promontoire que l'on appelle la Pointe Rouge, où nous trouvons, en l'année 1831, dans laquelle nous sommes, trois ou quatre maisons seulement. Et parmi ces maisons, le cabanon dans lequel se passe l'histoire que nous voulons vous raconter. Cependant, et au risque d'une nouvelle digression, il serait tout à fait à propos de tenir ce que promet le titre de ce chapitre, de vous expliquer ce qu'est un cabanon, à vous tous qui peut-être n'avez point eu la chance de naître dans ce que tout Marseillais regarde comme le paradis sur terre, dans la Provence. Sur ce mot de cabanon, votre imagination s'est peut-être déjà figurée une hutte en planches ou branches, un toit de paille ou de roseau, avec un trou au plafond pour laisser échapper la fumée. Votre imagination a marché trop vite. Château, bastide ou cabanon, c'est tout un à Marseille. C'est-à-dire que le caractère et l'imagination du propriétaire décident du titre que porte toute habitation extramuros, bien plus que la taille ou l'architecture de la dite habitation. Si le Marseillais est orgueilleux, la maison sera un château. S'il est simple, elle deviendra une bastide. S'il est modeste, il la nommera un cabanon. Mais lui seul peut établir cette classification, car rien ne ressemble autant à un château marseillais qu'une bastide, si ce n'est peut-être un cabanon. Parlons tout ensemble du cabanon et de son propriétaire. Le propriétaire de la maison de la Pointe Rouge était un ancien portefaix. Depuis que la ville de Marseille a envoyé à l'Assemblée un ou deux portefaix pour la représenter, on se fait généralement une idée très fausse des membres de cette corporation. Quelques personnes supposent que tous les habitants de notre grand port méditerranéen sont portefaix, d'autres que tous les portefaix sont millionnaires. La vérité est que cette profession, qui ne compte pas à Marseille moins de 3 à 4 000 membres, est lucrative à la fois pour les ouvriers et pour les maîtres, sous la responsabilité desquels cela travaille. Les maîtres portefaix entreprennent le déchargement des navires à forfait. Le tarif varie avec les circonstances, et pour eux et pour les hommes de peine qu'ils emploient, et qu'ils paient proportionnellement. Le mouvement commercial est considérable. Les patrons peuvent réaliser un bénéfice d'une quinzaine de mille francs par an. Après une vingtaine d'années d'exercice, ils se retirent non pas riches, mais dotés d'une honnête aisance. Monsieur Combes n'avait été ni plus ni moins que la plupart de ses confrères. Fils de paysan, il était venu à Marseille en sabots. Ancien parent, simple soldat dans cette grande milice du port, proposa sa place qu'une infirmité précoce l'empêchait de remplir convenablement. Ces places d'ouvriers portefaix se lèguent ou s'achètent, absolument comme les charges de notaire ou d'agent de change. Monsieur Combes eût volontiers acheté une charge, mais il n'avait pas une obole. Le parent tourna la difficulté. L'argent n'était rien pour lui. Il ne voyait en cette affaire que la félicité future de son cousin qu'il allait assurer. Il se contentait du tiers du produit des journées du jeune homme pendant 5 ans. Monsieur Combes eût voulu marchander, mais le cessionnaire noya ses protestations dans un déluge de paroles d'une tendresse qui ne laissait pas à son interlocuteur la possibilité d'insinuer la moindre réclamation. Il dit oui. Monsieur Combes tint commercialement ses engagements. Cette large brèche pratiquée dans ses salaires quotidiens ne l'empêcha pas de faire de notables économies. Il avait pour cela un procédé des plus simples. Il prélevait sur sa nourriture le tiers à donner au cousin. S'il n'engraissa pas à ce régime, son magot ne s'en arrondit que mieux. Et bientôt, il fut assez dodu pour permettre à Combes d'acheter une des maîtrises de sa corporation. Il est vrai qu'elle n'avait pas atteint alors les prix auxquels elles sont arrivées aujourd'hui. Mais si la maîtrise coûta peu à M. Combes, elle lui produisit gros. À partir des expéditions de Morée, de la paix de Navarin et de la prise d'Alger, le large bénéfice que les maîtres portefaix réalisèrent avec l'administration militaire achevèrent de compléter une certaine somme que, dès sa plus tendre jeunesse, M. Combes avait fixée comme but de son ambition. La somme réalisée, il se retira. L'appât du gain qui était alors dans sa période ascendante ne put le déterminer à rester portefaix un jour de plus. Il avait une passion que 20 années de jouissance n'avaient pu attiédir. C'était cette passion qui le rendait si fort contre l'avidité qui devait nécessairement résulter de ses habitudes de parcimonie. Un jour qu'il promenait à Montredon ses loisirs d'ouvrier, M. Combes avait vu une affiche qui annonçait des terrains à céder à des prix fabuleusement bas. Il aimait la terre, autant pour elle-même que pour ce qu'elle rapporte, comme tous les enfants de paysans. Il préleva, sur ses épargnes, 200 francs pour acheter 2 arpents de cette terre-là. Quand nous disons terre, nous cédons à l'habitude. Les 2 arpents de M. Combes se composaient exclusivement de sable et de roche. Il ne les enchérit que davantage, tout comme une mère qui préfère souvent l'enfant rachitique et bossu à tous les autres. Il se mit à l'œuvre. Avec une vieille caisse à savon, il bâtit une cabane sur le bord de la mer. Avec des roseaux, il entoura sa propriété. Et dès lors, il n'eut plus qu'une pensée, qu'un but, qu'un souci, l'embellir et l'améliorer. La tâche était ardue, mais M. Combes était homme à l'entreprendre et à la mener à bien. Chaque soir, sa journée finie, il mettait dans sa poche le morceau de pain, les tomates crues ou les fruits qui devaient composer son souper, et il s'acheminait vers Montredon pour y porter un couffin rempli de terreau qu'il ramassait çà et là pendant les intervalles que ses compagnons donnaient à la sieste. Il va sans dire que le dimanche, sa journée entière se passait à fouiller, bêcher, à planir, niveler, et certes, jamais journée ne fut remplie comme l'était celle-là. Sa plus grande joie, lorsque de portefaix il passa maître, fut de songer que son cabanon allait profiter de l'amélioration de sa position. Le premier emploi qu'il fit de ses premiers bénéfices fut de faire jeter à bas la maisonnette de planches et d'y faire construire le cabanon dont nous vous parlions tout à l'heure. Pour être l'objet de tant de soins et de tant d'amour, ce cabanon n'en était ni plus élégant ni plus somptueux. À l'intérieur, il se composait de 3 pièces au rez-de-chaussée, de 4 au premier étage. Celle du bas était assez spacieuse. Pour celle du premier, il semblait que l'architecte eût pris pour modèle la dunette d'un vaisseau. On ne respirait dans chacune de ces cabines qu'à la condition de laisser la fenêtre ouverte. Tout cela était meublé de vieux meubles acheté par M. Combes chez tous les brocanteurs des anciens quartiers. À l'extérieur, le cabanon de M. Combes avait un aspect tout à fait fantastique. Dans son adoration profonde pour ce monument, chaque année, il s'était plu à l'embellir. Et ces embellissements faisaient plus d'honneur au cœur qu'au goût du propriétaire. Les murailles du cabanon revêtirent tour à tour toutes les couleurs du prisme. Des tons plats, M. Combes passa aux arabesques. Puis il se lança dans les fictions architecturales avec plus ou moins de perspective. Le cabanon fut successivement un temple grec, un mausolée, un alhambra, une caverne norvégienne, une hutte couverte de neige. À l'époque où commence cette histoire, et subissant comme tous les artistes l'influence de la fièvre romantique qui agitait le monde, M. Combes avait métamorphosé son habitation en château du Moyen-Âge. Rien ne manquait à la fidélité de la miniature, ni les fenêtres ogivées, ni les créneaux, ni les mâchicoulis, ni les meurtrières, ni les herses peintes sur les portes. Avisant dans la cheminée deux billes de bois de chêne qui attendaient là qu'on les fît table ou armoire, M. Combes jugea qu'elles seraient beaucoup plus propres à ajouter à la couleur et au style de sa demeure, et les sacrifia sans regret. Façonnées de ses mains, elles devinrent deux tourelles, furent plaquées aux deux angles du bâtiment et dressèrent vers le ciel des girouettes ornées d'armoiries que jamais ni d'osier ni chérin n'eurent certainement l'idée d'emblasonner. Ce coup de pinceau du maître donné à son tableau, M. Combes se mit à le contempler de l'air dont Perrault dut regarder le Louvre quand il en eut aligné la colonnade. C'étaient les enivrements de cette perspective qui avaient peu à peu infiltré dans le cœur de M. Combes cet orgueil déguisé sous de faux semblants de modestie, orgueil dont nous avons dit quelques mots et que nous allons voir jouer un grand rôle dans l'existence de cet homme. Les passions sont ordinairement complexes, et cependant, il s'en fallait de beaucoup que M. Combes fût heureux également dans toutes ses entreprises, comme on eût été tenté de le supposer en songeant à la fierté profonde que lui inspirait son œuvre. Si la maison s'était loyalement prêtée à toutes les fantaisies du propriétaire, il n'en était pas de même du jardin. Les murs de lune conservaient fidèlement la peinture qu'on lui confiait. Les plates-bandes de l'autre ne gardaient jamais la forme que leur donnait M. Combes et ne rendaient honte la semence qu'il plaçait dans leur sein. Pour l'explication de ce qui précède, il faut dire que M. Combes avait un ennemi. Cet ennemi, c'était le Mistral. C'était lui que Dieu avait chargé en pure perte, il est vrai, de suivre le char de ce triomphateur, de jouer le rôle de l'esclave antique, de rappeler à M. Combes, lorsque celui-ci contemplait amoureusement son domaine, que pour être le maître et le créateur de ces belles choses, il n'en était pas moins un homme. C'était ce souffle impitoyable, le circus des Latins, que Scabron appelle vent violent, terrible, qui déplace et enlève les rochers, précipite les hommes de leurs chars, les dépouilles de leurs vêtements et de leurs armes. C'était ce vent qui, selon M. de Saussure, brisait si souvent les carreaux du château de Grignan que l'on avait renoncé à les faire remettre. C'était ce vent qui, en levant l'abbé Portalis par-dessus la terrasse du mont Sainte-Victoire, le tuait sur le coup. C'était ce vent, enfin, qui, après avoir fait tout cela autrefois, empêchait aujourd'hui que le monde pût jouir du vaste et curieux spectacle d'un homme satisfait de son sort, sans ambition et sans désir. Et cependant, le Mistral n'avait point eu pour M. Combes une seule des désastreuses conséquences que signalait l'écrivain grec. Il n'avait point renversé sur sa demeure les pics granitiques du Marchiavert. Il ne l'avait point jeté bas de la petite charrette, attelée d'un cheval corse dans laquelle il allait de loin en loin à la ville. Si quelquefois il lui enlevait sa casquette, il respectait du moins la veste et le pantalon, qui sauvegardaient sa pudeur. À peine si du bout de son aile il avait fait choir quelques tuiles du toit du cabanon, fendu quelques-uns de ses carreaux. Monsieur Combes lui eût peut-être pardonné tout cela, mais ce qu'il ne lui pardonnait pas, ce qui le désespérait, c'était l'acharnement avec lequel ce vent maudit semblait décidé à maintenir les deux arpents de jardin à l'état de grève désolée ou de désert aride. Aussi, dans cette lutte, Monsieur Combes se montrait-il plus opiniâtre que ne l'était son adversaire. Il fouillait, il fumait, il ensemençait péniblement et laborieusement son terrain 8, 9, jusqu'à 10 fois par an. Aussitôt que la graine de salade avait nuancé la plate-bande de légers festons verts, aussitôt que les pois montraient leurs lobes jaunâtres, dans lesquels une feuille se détachait, comme une émeraude dans le chaton d'or d'une bague, le mistral à son tour commençait son œuvre. Il s'acharnait après les malheureuses plantes. Il desséchait jusque dans leurs racines la sève qui commençait à circuler dans leurs frêles tissus. Il les recouvrait d'une épaisse couche de sable brûlant, et lorsque cela ne suffisait pas à les faire rentrer dans les limbes, il les balayait chez les voisins avec la poussière qu'il charrie ordinairement dans ses fureurs. Monsieur Combes donnait un jour à son désespoir et à ses lamentations. Il se promenait, l'œil morne, au milieu de ce champ de bataille, ramassant les morts et les blessés avec une piété touchante, leur prodiguant des soins hélas inutiles pour la plupart, se faisant à lui-même l'oraison funèbre d'un chou plein d'espérance ou d'une pomme d'amour grosse de promesses. Puis, quand il avait accordé un temps convenable à ses regrets, il se remettait à la tâche, cherchant ses allées et ses plates-bandes que le mistral avait impitoyablement nivelées, déterrer ses bordures ensevelies, redresser ses carrés, retracer ses sentiers, jeter des graines dans tout cela, et, considérant son ouvrage avec fierté, il déclarait de nouveau, à qui voulait l'entendre, qu'avant 2 mois, il mangerait les meilleurs légumes de la Provence. Mais, nous l'avons dit, son persécuteur voulait avoir le dernier mot. Il avait pris de nouvelles forces dans la trêve qu'il avait traîtreusement accordée à son adversaire. Et le cœur de Monsieur Combes n'était pas plutôt, comme son jardin, gros d'espoir, qu'il se chargeait de les réduire à néant. Il y avait 20 ans que cette lutte acharnée se continuait, et malgré tant de déceptions, quelle qu'eût été l'inutilité de ses efforts, oubliant aisément ses douleurs, Monsieur Combes n'en était pas moins convaincu qu'il possédait un jardin exceptionnel et que la nature sablonneuse du sol, jointe aux vapeurs salines qui montaient de la mer, devait infailliblement communiquer à tous ses produits à venir une saveur que l'on n'aurait trouvée nulle part. Le lecteur perspicace va nous arrêter ici et nous demander pourquoi M. Combes n'avait point cherché, ce qui ne manque pas à Marseille, un coin de terre abrité contre le vent qu'il redoutait si justement. Nous répondrons au lecteur qu'on ne choisit pas ses maîtresses. Le ciel nous les donne, et laides ou infidèles, on les aime tels que le ciel nous les a mis au bras. D'ailleurs, cet inconvénient avait sa compensation. Ce n'était pas sans de mûres et profondes réflexions que M. Combes s'était décidé à devenir acquéreur de ces 2 arpents que nous lui avons vus acheter au commencement de ce récit. À sa tendresse pour son cabanon, à la fierté que lui inspiraient ces objets de ses soins de toute sa vie, se joignait une autre passion dont, au siècle dernier, nous eussions indiqué l'objet en disant « la blonde amphitrite », ce qui eût pu jeter quelques défaveurs sur la pureté des mœurs de M. Combes et que nous désignerons aujourd'hui par son nom le plus simple, en l'appelant la mère. Ce nom va d'autant mieux à notre but qu'il n'y avait absolument rien de poétique dans le culte que M. Combes avait voué à la mère. Il nous en coûte d'avouer ce prosaïsme dans notre héros, mais ce qu'il aimait en elle, ce n'était ni sa tunique d'un bleu transparent, ni ses horizons infinis, ni le bruit mélodieux de ses vagues, ni ses rugissements, ni ses colères, Il n'avait jamais songé à y voir le miroir de Dieu. Il ne se la représentait hélas pas si grande. Il l'aimait tout simplement et tout bonnement parce qu'il voyait en elle une source intarissable de bouillabaisse. Monsieur Combes était pêcheur et pêcheur marseillais, c'est-à-dire que la jouissance de tirer de leurs grottes, toutes parsemées d'algues vertes, les rascasses, les roucasses, les bogues, les pataclifs, les garis, les fielas et autres monstres qui peuplent la Méditerranée, ne venaient pour lui qu'après celles bien plus grandes encore, qu'il ressentait lorsque, les ayant proprement couchés dans la casserole sur un lit d'oignons, de tomates, de persil et d'ail, après y avoir ajouté l'huile, le safran et les autres condiments nécessaires en quantité savamment combinés, il voyait une écume blanchâtre monter à la surface. Il entendait la vapeur préluder à ce chant monotone qui détermine la cuisson. Il aspirait à pleine narine l'odeur aromatisée de son plat national. Tel était Monsieur Combes, tel était son cabanon. L'immeuble avait absorbé le propriétaire. Ils ne pouvaient se peindre l'un sans l'autre. Nous devons ajouter, pour achever notre portrait, que toute de briques et de moellons qu'elle était, la maison avait eu une influence désastreuse sur le cœur et le caractère de Monsieur Combes. Elle lui avait communiqué le plus sot de tous les vices, l'orgueil. À force de contempler l'objet de ses amours, de se grandir de sa possession, il en était arrivé à mépriser souverainement ceux de ses semblables qui étaient privés d'un bonheur qui lui semblait inappréciable et à jeter un coup d'œil dédaigneux sur l'œuvre de Dieu. Ajoutons que, si paisible et indifférente qu'eût été la vie de Monsieur Combes, elle eût dû lui laisser d'autres affections que ses affections factices, d'autres regrets que ceux que lui donnaient les ravages du Mistral. Il y avait eu un drame dans son passé.